Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Cette semaine, le guide ultime de la méthodologie de travail dans Lightroom, des trucs pour utiliser la mise au point manuelle et 5 raisons pour lesquelles vous ne vous améliorez pas en photo. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 58. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de mes collaborateurs habituels, Christian Jarry. Salut. Et François Blanchette. Salut Stéphane. Alors, pas d'invité cette semaine, mais on a une émission assez chargée, pas mal de sujets. Mais avant de commencer, messieurs, qu'avez-vous fait de bon en photo récemment? Christian, toi? Comme j'en ai parlé auparavant, cet été, je vais être le photographe d'un mariage. Alors, malheureusement, j'avais plus d'objectif à très grande ouverture. Fait que j'ai été malheureusement obligé de m'en acheter un nouveau. C'est dommage. Ça m'attriste énormément. Mais j'ai décidé d'opter pour le 85 mm 1.8. C'est suite à l'essai que j'avais fait du Fuji X-T1. Dans le fond, c'était un petit peu plus petit que ça, c'est 56, mais un vrai 85. Mais j'ai beaucoup aimé ce range-là. Fait que je me suis dit, plutôt que le 50 que j'avais déjà eu, j'utilisais moins. Je suis allé pour quelque chose qui n'est pas facile à utiliser, par contre, je dois dire. Là. C'est assez serré. Il faut se reculer pas mal pour l'utiliser. Hein, on n'a pas l'habitude. Non, c'est ça. Surtout avec une focale fixe là, à 85. Exact. Puis l'autre chose, c'est qu'il ne fait pas le focus très, très proche. Il a une bonne marge. Là. Fait que ça aussi, il faut s'habituer. Okay. Mais c'est ça. J'ai pris quelques photos des enfants, des choses comme ça. Puis je me suis promené. Mon bureau n'est pas loin du Vieux-Port. Alors, je me suis promené dans les environs de mon bureau, Vieux-Port, mais c'est pas des photos faciles, encore une fois, vu que c'est comme trop limité. Il aurait fallu que je prenne des photos des gens, mais bon, en tout cas, c'est plus touché à prendre, disons, mais sinon, j'aime bien mon expérience. Jusqu'à date, j'avoue que c'est un bon achat. Bon, parfait. Puis François, toi, de ton côté? Moi, de mon côté, j'ai travaillé sur une émission qui s'appelle La Petite Séduction. Oui, on est allé à Saint-Ours, tout près de Sorel, au Québec. Et puis, j'avais une scène de reconstitution à faire. C'est-à-dire, c'était Samuel de Champlain qui cartographiait le lac Champlain. Donc, on a dû, moi puis mon assistant, éclairer la scène. Puis, on s'est amusé à faire une belle ambiance à la chandelle à l'aide de deux spot d'éclairage. Puis j'en ai fait une photo pour mes archives personnelles parce qu'on était super satisfaits du résultat. Ça a vraiment donné quelque chose de bien. Puis la technique qu'on a utilisée, c'est qu'on a vraiment utilisé une ouverture très, très, très fermée. En fait, plus basse que ce que l'appareil nous donnerait en mode automatique. Okay. On a triché un peu l'ouverture pour qu'elle soit plus basse pour que ça soit vraiment sombre là, dans la photo pour aider à donner un aspect sombre puis que les chandelles éclairent le mur, des personnages. Pour avoir un éclairage, pour donner l'impression que c'est vraiment la chandelle qui éclairait la scène. Exactement, puis c'est super bien réussi. Ça a très bien fonctionné. Fait que c'était ça ma photo. Parfait. tu vas pouvoir la publier. On va pouvoir la mettre dans les notes, cette petite photo. Absolument, là. Christian aussi, tu vas fournir une petite photo. Bien sûr. Moi, messieurs, j'ai eu l'immense chance et l'immense honneur d'être invité au Grand Prix de Montréal dans la loge Mercedes Petronas. C'est quoi qu'on dit, toujours les mêmes qui ont toutes, hein? Je pense que c'est ça que j'ai dit souvent. C'est un dur métier. Oh, oui. Comme chanterait Philippe Catherine, t'es trop VIP! Je connais pas. Ah, vous écouterez ça. Enfin. Mais non, c'est ça. Ce qui était malheureux, c'est que la personne qui m'avait mandaté pour ça ne voulait que des photos du côté techno du Grand Prix, donc de la F1. Et on était juste au-dessus des puits. J'ai dit, j'ai pas besoin de photos officielles de bolides, de véhicules. Donc, moi, je vais m'en prendre pour moi. Je vais y aller à cœur joie. Puis donc, entre les visites, on a visité le garage de Mercedes, les puits. On est allé visiter le centre technologique où ils font la diffusion, toute la mise en onde de la F1. C'est incroyable. Et j'ai un paquet de photos. Je mettrai le lien vers l'album Flickr que plusieurs ont probablement déjà vu là, parce que ça fait déjà peut-être 2 semaines que c'est publié, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'était... C'est vraiment cool. ma super excursion. C'était ma première expérience, en plus. J'étais jamais allé voir une course de Formule 1. Ah ouais. Donc, je sais pas si je vais y retourner, parce que là, la marche est haute, hein? La barre ouais. est haute. Mais tu sais, il faut être amateur, parce que, ouais. Bon, t'es assis au même endroit. Tu sais, je veux dire, il faut vraiment être amateur. On était dans une loge de Mercedes. Je suis sûr qu'il va avoir certains privilèges. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ce que je me disais. Enfin. On va passer aux nouvelles. Changeons de sujet. Ouais, hein? Bon, Christian, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as comme nouvelle cette semaine? C'est une nouvelle qui va vaguement t'intéresser, Stéphane. Ben, en fait, oui, probablement, parce que t'es déjà dû pour changer. Ça fait au moins 6 mois là, que tu as ton appareil photo. Okay, donc là, tu vas parler d'un appareil medium format, non? Non. Non, la Sony A7S. Ah, ben oui. Dans le fond, c'est un nouveau modèle, qu'on pourrait dire, de ta A7. Mm-hmm. Qui, au lieu d'avoir le capteur à 36 mégapixels de la A7R, a opté pour un capteur à 12,2 mégapixels. Mm-hmm. Là, beaucoup de monde vont dire 12,2, c'est quand même pas gigantesque. C'est comme un téléphone. Ouais. Presque. Mais c'est assez pour faire quand même des assez grosses photos, mais l'intérêt de cet appareil-là n'est pas à cet endroit-là. L'intérêt de cet appareil-là, c'est ça serait le nouveau champion de la basse luminosité. Mm-hmm. On va mettre une vidéo, en fait, il y en a même 2 vidéos que j'ai vues personnellement sur le site. C'est vraiment impressionnant. Oui, oui. Ben, on en avait glissé un mot déjà sur l'A7S. Là, Mais c'est de le voir en, oui. en qu'est-ce que c'est capable de faire. Là. C'est à se rouler par terre. Là. Franchement, là, être en plein milieu de la forêt de nuit puis être capable de surexposer une photo, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, disons. Là. Non, en effet. Puis, je veux dire, le plus important, là, c'est que même à des ISO quand même assez élevés, là, 25, 50 000, le bruit est pas pire. C'est pas parfait. Là, on dira pas que c'est la meilleure chose, mais c'est respectable. Mm-hmm. Puis, je voyais, là, connaissez-vous, ben, on en a déjà parlé un petit peu là, dans le passé, DxOMark, oui. Qui est... c'est pas parfait à ce que j'ai lu, là, mais ça donne quand même une idée de qu'est-ce qui pourrait être les... Ils font des bancs d'essai. Des bancs d'essai, exactement. Des bancs d'essai par rapport à un appareil versus l'autre. Puis celui qui auparavant était le meilleur, qui était la Nikon DF, pour ce qui est de la basse luminosité, ben la A7S l'a planté. Et par une assez bonne marge à part ça. Fait que la marche est comme... Mais j'en discutais avec quelqu'un, puis on m'a dit que ça dépendait des combinaisons avec les objectifs. C'est sûr. Parce qu'il y a certaines combinaisons meilleures que d'autres aussi. Là. Ben, c'est toujours la même chose, là, mais reste quand même que le potentiel est plus élevé. Là. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Puis, c'est pas si pire. Quand même, à 2 500 $, c'est pas donné, mais... Puis tu sais, on parle 12 mégapixels, là, c'est suffisant pour imprimer même des photos 8 par 10, là, 8 pouces par 10 pouces. Non, plus que ça. Même plus que ça. Oui, oui, oui. Donc, tu sais, à moins de regarder vraiment l'image à 15 cm du visage, là... Tu vois, moi, je parlais quand j'avais fait mes cours de photo, elle nous parlait qu'au-dessus de... Mettons que tu veux faire ce qu'ils appellent les billboards, là, les enseignes, là, c'est à 18 mégapixels, c'est bien correct. Là. Fait que c'est même pas, trop, parce c'est qu'ils même sont trop, loin. T'as pas besoin de tant que ça. Mm. Fait que en bas de ça, là, elle nous avait dit, là, le minimum, c'est pour faire des bonnes photos, le poster, c'est à peu près 12. Fait qu'on parle d'un poster, là. Ben oui. C'est énorme, là. Oui, oui. Si on s'entend que le cadre est déjà bien fait, puis qu'il n'est pas obligé d'aller rentrer dans l'image pour aller chercher un détail, ouais, c'est ça, ben c'est, effectivement, c'est en masse, c'est parfait. Oui. Parfait. Fait quand est-ce qu'on l'essaye, là, Stéphane? je me suis renseigné pour essayer la RX100 Mark III, là, tout nouveau compact. Et on risque d'attendre environ 2 mois, 2 mois et demi. C'est correct, je suis pas pressé. Non, c'est ça. Moi non plus, remarque, là, mais c'est quand même long. Comme délai, il se l'arrache tout le monde. Mais je me suis pris un peu sur le tard là, pour faire la demande. Donc là, c'est test aussi. Je vais voir ce qu'on peut faire, peut-être que... Mais bon, oui, je te laisserai la chance de l'essayer. Ah, merci. Bon, excellent. Et toi, François, de ton côté... De mon bord, je suis tombé sur le nouveau service dans le nuage de photos de Canon qui s'appelle Arista. OK. Mais Iris, attends, comme dans Iris. Iris, oui, oui. Ouais. Mais Iris, service dans le nuage de Canon, ça me dit quelque chose. Il y en avait un autre auparavant, mais non, ça... non, non, mais il était en développement, là. On en avait déjà parlé. Le projet 1709. Le fameux projet de l'Enterprise. Oui, c'était vraiment un nom de code juste pour attirer l'attention. Mm-hmm. Parce que il n'y a pas de rapport, en tout cas, avec le nouveau nom là, qu'ils ont décidé de choisir. Fait que... Ben, c'était peut-être juste parce que c'était dans le nuage. Ah, ouais, dans la galaxie, dans la Voie lactée. Ouais, je pense qu'ils en ont fait beaucoup de nuages quand ils ont pensé au nom, en tout cas. Ben, donc, c'est un autre service dans le nuage pour vos photos, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup de ça. Ouais, on en manquait. On en manquait. Ça, donc, Arista va jouer dans la plate-bande des Dropbox, Google Drive, iCloud, mais c'est juste pour les photos. Mm-hmm. C'est vraiment leur spécialité. Il n'y a aucune limitation sur la grosseur de chaque fichier qu'on peut télécharger, ou plutôt téléverser. Oui. On peut taguer les photos, faire des recherches selon différents critères. Ce qui est quand même intéressant, bon, c'est rien de nouveau, mais ce qui est cool, on peut faire une recherche par l'heure, l'endroit, même par l'objectif qu'on a utilisé. Okay. Donc, je pourrais classer les photos que j'ai faites avec ma 85 1.8, tu sais, quelque chose comme ça. Mm-hmm. On peut... Il y a possibilité de faire un partage sur FB, Facebook, c'est-à-dire, et Flickr. Ça, dans l'application sur le site web, on peut voir les commentaires une fois qu'on a partagé nos photos directement sur le site d'Arista. Fait que ça peut être pratique si on a un peu de travail à faire pour une heure, tu sais, puis... Tu vois déjà les commentaires apparaître dès que tu les as postés au lieu de passer par l'application Facebook. Pour l'instant, il n'y a pas d'Instagram ou de Twitter qui propose. Ce qui est un peu une faiblesse, tant qu'à moi, parce que c'est vraiment deux services qui sont hyper populaires. Ben oui. Ben surtout Instagram. Twitter, il y a un peu de photos qui passent, là, de plus en plus, mais non, ben, vraiment juste, pas au niveau des autres réseaux. Ben, les photos que moi, je vois personnellement sur Twitter, c'est plus des blagues ou des affaires comme ça. C'est rare que tu sois proposé. Oh, regardez ma belle photo. Ouais, ben il y a le compte de 500pics qui partage de belles photos des gens qui y publient. Là. Ouais, mais encore là... D'ailleurs, c'est mon nouveau fond d'écran sur mon iPhone. Ah. Je la trouvais vraiment superbe. Très belle. J'ai dit... Elle a l'air presque extraterrestre. Oui, c'est vraiment spécial. Enfin, je la mettrai dans les notes, tiens. Oui, parce que c'est dommage pour nos auditeurs. Ben oui. Ils ne peuvent pas voir ce que tu nous montres. Ah, tant pis pour vous. Non, mais je regardais ça là, pendant que tu expliquais le service. On en avait parlé le 9 novembre 2012. Ça fait un an et demi que ce projet-là était en développement, ou en tout cas peut-être même un peu plus que ça, parce qu'au moment où on en a parlé, épisode 10, oh là et là. On est à l'épisode 58. Eh bien, bon, mais ça donne une idée comment un projet peut prendre du temps avant de voir le jour. Hein? Il n'y a rien de vraiment rafraîchissant dans leur offre. Il n'y a pas d'option d'édition. À part que l'interface est vraiment jolie, il n'y a rien de plus que Dropbox et compagnies qui font déjà. Étant donné que ce service, c'est juste pour les photos, ben ça fait que c'est moins pratique, finalement. Ben, le prix, c'est peut-être là qui sera. Ben, je vais y venir. Okay. Ils sont à leur début. Canon a quand même mentionné que, vu que c'est dans le nuage, ben ils vont évoluer la demande des utilisateurs. Ils vont prendre des commentaires, tout, puis ils vont s'ajuster peut-être aux demandes. Si vous n'avez pas Dropbox encore, vous n'avez pas encore testé ça, ben c'est une bonne occasion, peut-être. C'est peut-être une bonne façon de voir si ça pourrait être pas parfait pour vous, ce service-là. Parce que Dropbox permet bien plus que juste des photos. C'est tous les types de fichiers. Le seul bémol avec Dropbox, c'est qu'ils sont un peu pingres sur l'espace disque alloué. Là, tu as 2 gigas gratuits, puis tu as quelques centaines de mégaoctets qui t'offrent si tu invites des amis, des trucs comme ça. Moi, avec tous les bonus que j'ai pu aller chercher, les promotions, etc. Et puis là, ils m'en offrent parce que j'ai profité d'une promotion qui se termine bientôt. Donc, ils me disent, on vous compense en vous donnant à peu près 7% de la promotion que vous aviez. Je vais me retrouver avec 13 gigaoctets. C'est pas énorme. Ouais. Au lieu de, tu sais, entre 2 et 5, normalement, qui sont gratuits. Là, j'avais une offre de Samsung. Oui, qui me donnait 48. 50. Ben, tu sais, 50, mais tu as 2 gigas gratuits plus 48 en bonus. Mm-hmm. Là, le 48, je le perds et Dropbox me dit, ben, en consolation, on vous donne 3 gigaoctets. Wow, tu sais. Ouais. Donc, la plupart des autres services comme Copy, moi, j'aime beaucoup Copy parce que dès que tu réfères quelqu'un, ça te donne 5 gigaoctets gratuits aux deux personnes. La personne qui s'abonne tombe à 20 gigaoctets au départ, puis la personne qui a été référée ou qui l'a référée reçoit 5 gigas. Je suis rendu à 235 gigaoctets. OK. Puis tu as les mêmes fonctions que Dropbox? Non, pas tout à fait. C'est ça le problème. Mais côté stockage ou backup, quoi que ce soit, il y a une application iOS aussi. Android aussi, je pense. Mais il y a pas, c'est l'intégration qui manque en ce moment. Okay. Par contre, ça peut se faire là, dans les prochains mois ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Dropbox est implanté partout. Ouais. Est intégré dans la plupart des applications. Mais il n'y a pas d'espace, il faut payer pour avoir plus que 5 à 10 gigas. Là. Enfin. Ça vaut le coup d'œil si vous voulez le regarder quand même. Oui, bien ça, juste ça commence pour l'interface, à quoi, là? Ça offre combien d'espace? C'est en 3 déclinaisons. OK. Okay. Si on veut le service gratuit, ça nous donne 10 gigaoctets. OK. Ouais, mais c'est bien quand même. Versus 1 terabyte pour Flickr. Fait que c'est pas impressionnant. Oui, ouais, parce que c'est juste du JPEG là aussi, il n'y a pas de RAW. Non, il y a du RAW. Ah, OK. Ouais, mais absolument. Flickr n'a pas de RAW. OK, bien là, tu as du RAW. OK. Mais bon. Mais ouais, le RAW, ça monte vite. Oui. ou descend vite, en fait. Tu devrais plutôt dire. Deuxième option, tu peux avoir 50 gigaoctets pour 8$ par mois ou 80$ par année. Mm-hmm. Et 100 gigas pour 20$ par mois et 180$ par année. Mais quand on est professionnel, ça peut valoir la peine. Ouais. Pas mal, mais 100 mais gigas encore là, c'est pas... Tu sais, on peut y arriver assez vite. Justement, si on est professionnel, ça peut aller assez rapidement. Regarde, ouais. Je me considère pas professionnel. Puis comme je l'ai dit souvent, ma bibliothèque Aperture est 250 gigas. Ouais. Ouais. Donc, le projet 1709 qu'on vous a parlé... Est devenu Arista ou Arista. Arista, et qui n'est pas super impressionnant jusqu'à maintenant, mais qui vaudrait peut-être la peine de suivre. Excellent, merci. De mon côté, moi, j'ai une petite nouvelle Nikon. C'est la série 1, les fameux appareils sans miroir ou hybrides. Il y a le Nikon 1S2 qui est plutôt compact comme appareil, mais qui vient remplacer évidemment le S1, mais qui ne contient toujours pas de Wi-Fi. Mm. Donc, je m'explique mal. En 2014... Je m'explique mal qu'il y a encore beaucoup d'appareils, surtout... Ben, je vais mettre un peu plus en contexte. C'est que l'appareil, c'est on peut changer l'objectif, comme disons la gamme Sony NEX, NEX, comme les Fuji, etc., les micro 4 tiers, mais c'est un appareil qui se vend quand même 450€, donc 500-550$ facilement, et il n'y a pas de Wi-Fi. Mais dans tous les appareils, y compris les appareils à 150-200$, tu as le Wi-Fi maintenant. Je vais me faire l'avocat du diable. À quoi bon mettre un Wi-Fi quand la majorité sont médiocres, bouffent la batterie, sont pas très faciles à faire jumeler avec ton appareil, avec ta tablette? T'en as essayé un récemment qui fonctionnait super bien. C'est un des rares. Ben, tous les appareils Sony, depuis les NEX, là, le Wi-Fi est très bien implanté. Surtout l'A7, quand tu es en mode visionnement, tu as un bouton Wi-Fi, ça te demande 7 images, toutes les images de la journée ou sélection multiple. Ah, c'est bien. Puis quand tu le fais, tu jumelles, ça fait le transfert, la connexion est fermée après, donc ça ne draine pas la batterie. Mm-hmm. Fait que... Ah, ça reste pas ouvert. Hein. Non, c'est ça. Le Wi-Fi s'éteint automatiquement après, donc ça reste pas justement pour drainer la batterie. Déjà que la batterie de Sony n'est pas super bonne. Bon, ouais. Une chance. Mais on s'entend pour dire que ce serait pas du luxe de l'implémenter, ne serait-ce que juste pour suivre la compétition. Là. Mais oui, puis là, c'est ça, ils disent, oui, on a le petit module qui s'appelle le... Je me souviens pas du nom, là, mais qui coûte environ 50-60$. Mais c'est un petit module à mettre dans un appareil que tu veux compact. Là, tu rajoutes une espèce de bidule USB sur le côté de ton appareil. Je comprends pas pourquoi, parce que ça doit pas être si gros que ça, un circuit Wi-Fi. C'est minuscule. Ouais. C'est minuscule. Mais dans un appareil gros comme ça, ça prend un peu de place quand même. Ça rentre dans un téléphone, un iPhone, un appareil Android, Wi-Fi là-dedans. Là. C'est sûr, là, je ne dis pas le contraire, là, mais c'est tout ce que je garde. Je vous l'ai dit, je me fais un peu l'avocat du diable. Je ne sais pas, je pense pas que ça soit vraiment si nécessaire pour le genre d'appareil qu'on a là, personnellement. Là, probable, c'est ça. Si tu as un appareil comme ça avec une tablette, tu branches ça en USB... Moi, je mettrais un Hi-Fi. Une carte Hi-Fi. Je mettrais une carte Hi-Fi dedans à la place, puis ça donnerait probablement un meilleur résultat que ce que le... Tu as absolument raison. Ça peut être... C'est encore mieux que le fameux module. Tu mets une carte Hi-Fi, Puis, moi, je ne me compliquerais pas la vie, tout à fait. Voilà. Parce que, tu sais, je veux dire, je regarde l'appareil, là, tu me montres des photos, là, puis il a l'air vraiment petit, là, c'est minuscule. Moi, c'est... Mmh. Oui, on a un beau setup ce soir. Oui, tout à fait. C'est agréable. Oui. Donc, voilà. Puis, bon, l'appareil, c'est quand même un bon appareil. On parle d'un capteur de 14,2 mégapixels versus 10,2 sur le Nikon 1S1. Il y a quand même un bon processeur, etc. Il n'y a pas d'écran tactile, mais il y a énormément d'appareils encore qui n'ont pas d'écran tactile. Surtout pas dans cette catégorie-là, là, dans non, les bas de gamme, là, entre guillemets. Donc, mais ah, c'est ça, c'est le Nikon WU1A, le module. Je n'achèterai jamais ça, je vois. Là, c'est, j'avoue que c'est pas... Ouais, c'est pas sexy, là, après. C'est comme... enfin. Mais... voilà. Il y a un système autofocus hybride à 135 points, dont 73 à détection de phase. C'est impressionnant. Impressionnant. Mm-hmm. En tout cas, il y a quand même des bons trucs. Il y a des... C'est quoi? Il y a un mode rafale à 10 images secondes. Ben, c'est excellent ça aussi. Vidéo 1080p à 60 et 30 images secondes. Donc, moi, je regarde pour le prix, là. Pour le prix, pour qu'est-ce qui vient avec. Mm. Puis je me dis... Bip le Wi-Fi, honnêtement. Là, oui, comme... c'est ça. Tu te prends une carte Hi-Fi, puis à la limite, tu peux la transférer dans un autre appareil, puis ça fait le boulot. Là. Puis tu vois, c'est ça. À 449 €, c'est en kit avec le zoom Nikkor 11-27,5 mm. Donc, ça vient avec un objectif. Et puis, ça fait un bon appareil qui se range bien dans un petit sac. Où, mm-hmm. C'est assez compact quand même. Oh, ouais. Donc, enfin... C'était un petit éditorial sur l'absence de Wi-Fi dans certains appareils en 2014. Mm-hmm. On va passer à des petits sujets. Tu vas nous parler de workflow. Comme on a déjà parlé à l'épisode 7, je crois, on avait parlé de workflow. Mais ça fait quand même longtemps. L'épisode 7, c'est comme en octobre 2012, quelque chose comme ça. Ça fait un certain bout de temps. Oui, ben moi, récemment, j'ai fait l'achat d'un nouveau MacBook Pro. Puis... j'ai décidé de m'abonner à Adobe CC parce que je voulais avoir la nouvelle version de Photoshop. Puis je me suis dit, bon, en même temps, j'ai Lightroom. Puis ben c'est oui. 10$ par mois. Fait ben que... oui, le programme de photographe. Exactement. Fait que je me suis dit, ouais, donc, on va y aller pour ça. Et d'ailleurs, Adobe vient d'annoncer que ce programme devient permanent. Donc le prix. C'est brillant. Ben oui, parce que c'est une bonne façon justement d'attirer des gens. Moi, j'ai l'impression, on en avait parlé. J'ai l'impression qu'au bout de la ligne, même moi, qui dois avouer que pas toujours il y a des versions légales de Photoshop, ça fait bien mon affaire. Mm-hmm. C'est un prix qui est raisonnable, que je suis définitivement prêt à payer. Ouais. Fait que ça me dérange pas, là, c'est pas... Mais tout ça pour dire que, bon, j'aime toujours Aperture, mais il faut avouer que, bon, Apple prend beaucoup de temps à le mettre à jour. Puis je me suis toujours essayé Lightroom, même si mes premières impressions que j'avais essayées dans le passé, je n'avais pas particulièrement apprécié. Ça n'a pas changé. Je dois dire, je confesse que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à m'habituer. J'aime pas beaucoup. Mais je me suis mis à chercher pour essayer de trouver des trucs pour me voir si, peut-être en changeant ma méthodologie de travail, en regardant qu'est-ce qu'il peut faire. Et j'ai trouvé une méthodologie de travail de... C'est vraiment des professionnels qui font cette méthodologie-là, mais je trouve que sa façon de penser et d'organiser ces choses... est très bonne. Okay. Puis c'est quelque chose que je pense que, sans nécessairement pousser au point que les autres vont, va pouvoir être utile pour tout le monde. Mais cette méthodologie-là, est-ce que c'est en livre? C'est en... Oui, il y a une vidéo sur YouTube qui vous l'explique, mais il y a également un livre. Ah, OK. Fait que, il y a d'ailleurs un channel sur YouTube, PH Learn, qui toutes des choses par rapport à la photographie. Puis ça, moi, j'avoue que je ne le connaissais pas. En faisant des recherches, j'ai trouvé ça. Ah oui, ça. C'est Flurn que ça se prononce. Oui, oui, oui. Ouais. Ça, je trouve ça bizarre comme nom, Flurn, un peu. Mais ben, bon. C'est pour photo, Learn. Ouais, ou, c'est, non. Non, mais le type est assez spécial aussi. Il a l'air vraiment sympathique. Oui, oui, oui. Il est vraiment... Oui, il est dedans. Il est expressif. Finalement, dans le fond, c'est comme je disais, c'est une méthodologie qui est très... poussé, qui peut avoir l'air complexe, mais moi, que j'ai trouvé assez simple, dans le fond. Ta première étape, c'est on fait un tri facile en sélectionnant les photos que vous n'aimez pas, c'est quand tu les importes. Fait que, tu sais, on les voit toujours, les photos. Tout de suite, tu es capable de voir, bon, celle-là n'est pas assez exposée, celle-là n'est pas au focus. Tout de suite, tu les désélectionnes. Lui, ce qu'il propose aussi, c'est de laisser l'ordinateur organiser par date au lieu de dans un seul répertoire. Ouais, j'ai commencé à faire ça aussi. Oui, puis ça, par contre, moi, ça me plaît. J'avoue que je trouve ça mieux comme ça. Et moi, c'est arrivé par erreur parce que tu as toujours la petite case faire un backup aussi, une deuxième copie sur un autre disque. Puis moi, j'ai deux serveurs de réseau. Oh, ouais. Puis là, j'ai remarqué que sur ma copie backup, ça se faisait par date. Là, je dis, ah, mais c'est génial, comme ça, je vais le retrouver tout de suite dans les dossiers. Au lieu d'avoir un dossier qui a à peu près 4000 photos. C'est ça. Et plus, même 12000. Mais... puis l'autre, ben, d'ailleurs, puis ça va peut-être aussi t'aider. L'autre suggestion qu'il dit, il dit organisez vos répertoires par projet. Exemple, vous partez en vacances. Okay? Prenez la première date de vos vacances, qui est, je ne sais pas moi, le 6 juin. Prenez tous les répertoires qui vont être en dessous, parce que, mettons, vous partez le 6 puis vous revenez juste le 10. Fait qu'il va y avoir le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Mm-hmm. Prenez toutes les autres, mettez tous les fichiers dans votre premier répertoire, puis appelez-les vacances. Comme c'est ça, vous allez le savoir. Ouais. Tout est là-dedans. Ensuite, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Vous créez quatre sous-répertoires sous le projet principal. Un premier, je vais vous dire les noms en anglais, puis des petites traductions rapides. Mm-hmm. Il y a Capture, Master, Output et Select. Ou Capture, Maître, Final et Sélection. Capture, c'est vos fichiers non édités, les fichiers que vous importez. Maître, c'est les fichiers édités qui sont PSD, Photoshop ou TIFF, par exemple. Final, c'est le répertoire final que vous utilisez pour exporter vos fichiers. Et sélection, c'est des photos exportées. Vous allez voir, ça ressemble les deux derniers, mais pas vraiment. Première chose que vous faites, c'est déplacer tous vos fichiers dans votre répertoire, puis vous enlevez tous les autres sous-répertoires. Fait que vous gardez ça le plus propre possible, vous faites vos quatre sous-répertoires. Autre chose qui peut être intéressante, c'est si vous avez différents événements ou, exemple comme lui, il avait fait un photoshoot aux Bahamas, puis il y avait tel modèle, des paysages, puis tout ça, il dit, gênez-vous pas de resous-diviser ensuite après ça, parce que ça peut être plus facile à retrouver vos idées, vos choses, vos affaires. Si vous êtes allé, je sais pas moi, une journée spéciale, un voyage en France, puis aujourd'hui, ben, vous dites, OK, ben ça, c'est des photos de Paris, ça, c'est des photos de Marseille, ça peut être intéressant aussi. Puis dans chacun de ces répertoires-là, vous refaites toujours vos quatre répertoires, parce que c'est chacun de ces produits-là va avoir des produits finaux à chaque fois. Ouais, ouais. L'autre chose qu'il propose, c'est on passe sur la lettre D. D, ça vous permet d'ajuster sommairement vos photos. Jouer avec l'exposition, jouer minimalement avec les ombres, les couleurs, etc. Ça donne déjà une petite idée de où c'est que tu t'en vas, comment tu travailles sur ta photo, puis quel est le résultat final que ça peut te donner approximativement. Ensuite, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On exporte les photos dans Sélection. Ce qu'on exporte, dans le fond, c'est... Lui, il propose d'utiliser TIFF. Pourquoi TIFF? Parce que c'est un peu moins gros. On peut quand même, si on décide de l'envoyer dans Photoshop, on peut utiliser des calques, des layers. C'est un standard qui est de l'industrie, fait que c'est pas juste limité à Photoshop, on peut l'utiliser avec d'autres choses. Mm-hmm. J'avoue que la suggestion est quand même assez bonne. Lui, ce qu'il propose, c'est aussi également le... J'ai trouvé la traduction, puis espace colorimétrie. Oui. RGB, pour ceux qui connaissent mieux. Lui, ce qu'il propose, c'est Pro Photo. Puis il dit 8 bits. Il dit, d'habitude, à moins que vous ayez vraiment des choses assez poussées à faire, 8, c'est assez. 16 pour des projets vraiment là, un peu plus spéciaux, là, mais en général, 8 devrait faire l'affaire. Ensuite, il faut synchroniser le répertoire. Parce que oui, vous l'avez copié dans votre répertoire, mais Lightroom ne le sait pas encore. Fait qu'en synchronisant, tout simplement en pesant sur le bouton de droite sur le répertoire principal, vous allez voir, c'est marqué « Synchroniser ». Faites ça, puis là, il va apparaître. Ah. Fait que là, vous allez pouvoir les voir dans chacun de vos répertoires différents. Autre avantage avec ça, c'est que là, on a notre répertoire sélection. Fait qu'on sait c'est quoi la photo qu'on veut prendre puis qu'on veut éditer. Si on veut aller dans Photoshop maintenant, rien de plus facile. Exemple, pour moi, pour mon Mac ou n'importe quel, moi, c'est dans Images qui sont mes photos, dans Lightroom, 2014 parce que c'est l'année. Le nom de mon projet, Select. Je sais que la photo, elle va être là. Je trouve, tu sais, encore une fois, c'est super simple. Mm-hmm. Fait qu'on prend la photo, on l'édite, on fait comme lui disait, là, mettons, exemple, il va enlever des petites choses sur la peau ou des petites affaires comme ça. Et quand on la sauvegarde, on la met dans Master. Fait que là, on sait que on avait la photo avant. Si on a fait une gaffe, on est capable de retourner avec sans avoir à recommencer tout notre produit au début. tu sais, on a déjà, c'est comme c'est tout par étape, ben on n'a pas besoin de reculer tant que ça en arrière, on garde toutes les traces de l'étape. Encore une fois, comme je dis, ça, c'est poussé à l'extrême, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt à faire entre les deux, là. Mm-hmm. Évidemment, on resynchronise, parce qu'encore une fois, dans notre master, il n'y aura rien tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas synchronisé. Puis à ce moment-là, ben si on a besoin de les exporter sur Internet pour les montrer, pour là c'est là qu'on peut changer également la grosseur pour les mettre en 1080, en 1080, voyons, en 1024, excusez-moi, ou tu sais des grosseurs qu'on a besoin. Puis c'est là qu'on va le mettre dans output, dans final. Fait que ça va être tes fichiers que tu as besoin d'exporter. Fait que tout le long de ton workflow, tu perds jamais tes fichiers. Ouais, tu perds, puis c'est pas si gros que ça parce que c'est pas des fichiers RAW que tu gardes tout le long. Mm-hmm. Tu gardes des fichiers TIFF, tu gardes des choses. Puis, à un certain moment donné, oui, tu peux arriver puis tu veux dire, ah, ben OK, là, j'ai terminé mon travail, je vais juste garder les finaux, je vais enlever les autres ou tu fais des backups ailleurs. Tu sais, au moins, on sait puis on est bien organisé. Parce que ça m'est arrivé souvent moi-même, je dois être honnête, là. Je fais des photos, je fais des choses, ah, ben j'ai besoin d'éditer spécialement dans Photoshop, là. Où c'est que je l'ai mis? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Puis là, je suis tout perdu dans mes affaires. Je trouve que c'est simple, c'est mm-hmm. pas très complexe. C'est peut-être poussé un peu pour ce que la majorité que nous ont besoin de faire. Ben, ça prend un petit peu plus de temps que pas si on que le ça. Fait j'ai, pas. J'ai mais fait c'est le ça. Test. J'ai fait le test pour le fun avec mes photos. C'est pas vraiment plus long. Ouais. Sincèrement, là. C'est impressionnant. Ça apparaît impressionnant. Là, j'ai la liste devant les yeux. Là. Mais effectivement, après deux, trois fois. Oui, après, tu prends l'habitude. Tu prends l'habitude, je suis sûr. Puis c'est super simple, ouais. Honnêtement. C'est pas quelque chose qui est assez complexe. Puis comme je dis, moi, ce que j'aime, c'est. Tu fais une gaffe, ben tu t'es pas tiré dans le pied et tu recommences pas à zéro parce que tu l'as encore. Ouais. Tu es encore là. Fait que tu peux retourner en arrière et refaire d'autres choses après ça. Mm-hmm. Moi, en tout cas, c'est une méthode qui me plaît pas mal. Mm. Puis si vous voulez, ben, comme je vous disais, la vidéo est très bien expliquée. Le gars, il est intéressant. Il est pas. Il est énergique, il est dedans. Là. Oui, il est intéressant à regarder parce qu'il y en a malheureusement beaucoup des fois des vidéos où ce que la personne parle comme ça tout le long. C'est pas super. Lui, il est. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit. Il est intéressant, puis on voit son écran. Mm-hmm. On voit vraiment ce qu'il fait. Il fait juste garder une petite image dans le coin où ce qu'on le voit, puis on voit vraiment toutes les étapes qu'il propose. Allez le voir, vous allez voir. Moi, j'ai définitivement décidé d'opter pour cette mais technique. Il faut bien comprendre l'anglais, par contre, parce que. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste en anglais. Ouais. Ben c'est pas grave parce que je vais vous l'expliquer en français. Absolument. Merci beaucoup. Merci Christian. Plaisir. Je parlais d'Adobe tout à l'heure. Adobe qui vient d'annoncer il n'y a pas si longtemps plusieurs choses. Il y a des applications pour iPad, dont Photoshop Mix. Photoshop Sketch et Line. Donc, ce sont des applications mobiles pour iPad pour le moment, mais qui vont venir possiblement sur Android. Ça va dépendre de la demande. Et ce qui était spécial aussi, c'est qu'ils ont annoncé des accessoires, donc des objets physiques. Il y a Adobe Ink, qui est un stylet qui va être connecté au Creative Cloud, compatible à Windows 8 et donc les tablettes Surface et tout ça. Qui va permettre que si tu fais un dessin ou des trucs comme ça, ben ça va s'enregistrer, ça va se synchroniser dans le Creative Cloud. C'est vraiment génial. Il y avait le projet Napoléon, dont peut-être certaines personnes ont entendu parler, qui va s'appeler le Slide, Adobe Slide, S-L-I-D-E, qui est une petite règle de 3 pouces qui va servir d'accessoire aussi pour le dessin. En tout cas, ça va tout être connecté ensemble et ça va se vendre... Les deux bidules vont être vendus ensemble pour environ 200 $ américains. Et bon, ça va être vraiment pour les dessinateurs ou les artistes, là, principalement. Mais dès que j'aurai plus d'informations, là, ou si jamais je peux les tester. Ben oui, Christian pourrait peut-être tester oui, ça. Oui, Christian pourrait tester ça. Parce que Christian dessine, oui. Madame, Messieurs. Eh oui. Eh oui. Ça m'arrive. Ensuite, c'est comme je mentionnais tout à l'heure, le forfait pour photographe devient une offre permanente. Donc, $9.99 par mois pour avoir Photoshop, Lightroom, Behance, qui est un service d'hébergement dans le cloud et qui offre 20 gigaoctets pour stocker vos photos. Et qui va s'intégrer aussi à ce qu'il appelait Photoshop Mix, une des nouvelles applications. Ça comprend aussi Lightroom Mobile, qui était offert sur iPad jusqu'à ce jour, et maintenant il est offert aussi sur iPhone pour ceux qui voudraient retoucher leurs photos dans Lightroom sur leur iPhone. Je peux être sûr de ça. Mais non, mais sérieusement, l'interface mobile, en tout cas sur iPad, ça fonctionne très bien. Oui, j'en doute pas. Ça, c'est très plus, fluide. C'est très, parce que iPhone, c'est pas gros. Hein? Non, non, c'est sûr. Là. Pour Instagrammer vos photos encore plus travaillées. Il y a plein d'applications de retouche photo sur iPhone. Mm-hmm. Donc, justement, il y a Snapseed, il y a Camera Plus, il y en a plusieurs, on en a déjà parlé. Mais là, avec Lightroom mobile, ça va être possible de, vraiment déjà d'ajuster vos trucs et ça va se synchroniser avec vos vraies photos Lightroom à la maison. OK. Ouais. Donc, c'est ça qui est génial. Et il y a un plan pour étudiants qui est le Creative Cloud Complete, donc toutes les applications pour $19.99 par mois. Ce qui est très intéressant. Donc, voilà. C'était des annonces qu'Adobe ont fait le 18 juin dernier. Excellent. François, toi, de ton côté, tu vas nous expliquer... Ah oui, nous donner un truc. Oui, bien, en fait, c'est de plusieurs trucs que je veux parler sur comment se servir de la mise au point manuelle sur votre DSLR. Et je spécifie, c'est vraiment pour ceux qui ont un DSLR. Un truc que je vais donner. Ouais. Exactement. L'autofocus, ça n'arrête pas de s'améliorer depuis... quelques années. Mm-hmm. À chaque nouveau modèle, la technologie permet de raccourcir le moment de la mise au point de plus en plus rapidement. Même qu'on en parle dans nos critiques, là, et ça fait un autofocus à telle vitesse, puis c'est super rapide. Ben bon, pourquoi je vous en parle d'abord? C'est vrai. Hein? Pourquoi je vous en parle? Mais c'est vrai. Pourquoi on ferait le focus de façon manuelle? Surtout que, comme j'ai déjà dit dans le passé, j'ai pas confiance en mon œil. J'ai plus confiance en l'autofocus. Oui, mais si tu avais le DMF, dont j'ai déjà parlé, le Direct Manual Focus, puis le Focus Peaking, la surbrillance, quand ton sujet est vraiment net, le focus est fait, là. Oui, c'est une assistance électronique. Change, c'est une assistance. Ouais, j'en doute pas. Ça change complètement ta vision du focus manuel. Puis... Mais ça, c'est pas un réflexe. Non. Puis moi, je m'adresse à ceux qui ont un réflexe. Ah oui, avec un miroir, comme c'est vrai. Christian tu peux pas avoir ça. Qui n'est pas un réflexe. Absolument, je m'excuse. Non, j'ai un réflexe. Je suis pas des indignes comme lui. Fait que, comme je disais, pourquoi je vous parlerais d'autofocus si c'est rendu rapide puis tout, parce que même si l'autofocus est excellent puis rapide, il y a toujours des situations où le faire manuellement va toujours être la meilleure option. C'est là que j'interviens pour vous dire des trucs. Oui. Si on l'utilise dans un bon scénario, ça va vous donner un meilleur contrôle sur votre cadre, puis dans certains cas même, ça va donner des meilleurs résultats qu'on ne pourrait pas avoir en mode automatique. Au début, vous allez penser que c'est vraiment long à faire manuellement, puis tu te demandes comment que les gens ils ont pu vivre sans ça, tu sais, avant. Mm-hmm. Mais avec un peu de pratique, ça devient plus facile de le faire, plus rapide. Oui, parce qu'au début, on se trompe. Est-ce que je dois tourner vers la gauche, vers la droite pour approcher, éloigner? Ça devient vraiment une question. Oui, absolument. Ouais, pratique. Fait comme toi, après 20 ans, 20 quelques années, ça va, là. Mais moi, au début... Tant là... que tu ne mets pas de Nikon dans les mains. Oui, ça, parce que là, en vidéo, c'est compliqué. C'est ça. Ouais. Mais même moi, au début, j'avais de la difficulté. Là. Je me rappelais jamais si je devais aller vers la droite, vers la gauche. Pour, Je l'ai encore. Je l'ai utilisé tantôt. Je faisais du vidéo, puis je me suis encore trompé. C'est ça. Pratiquez, exercez-vous. Ça devient un automatisme. Ouais, en photo, c'est pas tellement important de savoir de quel bord qu'on va. Parce qu'on le retrouve vite, le mouvement. Ouais. En vidéo, c'est une autre histoire. Là, tu perds le focus, en vidéo, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Puis d'autant plus que d'habitude, si tu utilises le manuel en photo, c'est parce que tu as le temps. Oui, on s'entend. Là. Puis, tu sais, peu importe dans quel mode que vous êtes, là, automatique, programme ou même manuel, vous pouvez vous placer en mode manuel sur le focus. C'est toujours indépendant. Pourquoi? Parce que c'est sur l'objectif. Mm-hmm. Sur le côté de votre objectif, il y a un petit interrupteur AFMF. Si vous ne saviez pas c'est quoi, c'est pour déclencher le mode manuel. Vous le placez en mode... quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens juste de m'en rendre compte. Non, ris pas de ceux qui ne savent pas c'est quoi. Non, je ris pas parce que je me suis déjà fait poser la question, sans blague. Il n'y avait pas de méchanceté là-dedans. Mais c'est vrai, c'est parce qu'on va être honnête, là, vous puis moi, là, il y a tellement de boutons sur un appareil comme ça. C'est souvent la première question que le monde pose, c'est genre, quoi il sert ce bouton-là? Quoi il sert ce bouton-là? Puis sur les appareils Nikon, tu l'as sur l'objectif et sur le boîtier. Je le sais. Pour nous, c'est complètement déstabilisant. Oui, je l'ai tellement cherché. C'est bien de le mentionner. Moi, tu vois, je n'étais pas au courant. Mm-hmm. Donc, on se place en mode MF sur l'objectif. On parle de Canon. À ce moment-là, la demi-pression qu'on fait sur le déclencheur pour faire sa mise au point, ben là, elle ne fonctionne plus, évidemment, mm-hmm. puisqu'on est en mode manuel. Mais est-ce qu'elle fait quand même l'évaluation de luminosité? Absolument. L'exposition? Oui. Elle va quand même évaluer puis afficher l'information dans son viseur. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est aller sur la petite molette à l'avant de l'objectif pour faire sa mise au point manuelle. Les étapes de base pour obtenir un bon focus. OK. Ce que je viens de le dire, on prend la petite molette puis on ajuste le foyer sur notre sujet. Mettez-vous en live view. Vous allez actionner la loupe qui permet de grossir l'image pour qu'on puisse s'assurer que le focus est vraiment bien fait. En zoomant numériquement, évidemment, on a plus de détails qui apparaissent. On peut vraiment être plus sûr. Ou c'est ce qui correspond au fameux mode DMF dont je parlais sur les hybrides. Exactement. Donc, normalement, dans ce mode-là, dès qu'on tourne la molette manuelle, ouais, le zoom se fait automatiquement. C'est ça, qui est vraiment une belle affaire. Mm. Vous retournez en mode normal pour prendre votre photo après ça. Mm-hmm. À quel moment qu'on l'utilise? Ben, ça peut être n'importe quand, tu sais. Mais particulièrement dans les situations suivantes. Quand on fait de la macro, puis là, vous savez pourquoi, mais je vais quand même le dire. Quand on fait de la macro, la profondeur de champ devient extrêmement mince. Mm-hmm. C'est vraiment un challenge de faire de la macro. En mode automatique, souvent, ça peut se mettre à chercher un point, puis pas juste ça, ça peut choisir un mauvais point de focus. Oui, c'est vrai. Puis à ce moment-là, ça devient aussi long, si c'est pas même plus long d'utiliser le moteur pour faire la mise au foyer automatiquement que de le faire manuellement, parce que mm-hmm. ton œil le sait là, ou l'emmener, ouais, là, ton mm-hmm. focus. Puis des fois, dépendant des objectifs, faire du hunting, là, de la chasse, ouais, là, il cherche la, ouais, chose, ça c'est tannant. Exactement. Une autre situation, c'est quand le cadre qu'on veut faire est très chargé. S'il y a trop d'objets devant le sujet, par exemple, vous êtes installé assez bas là, au sol, puis il y a de l'herbe là, devant. Mais tu sais, c'est de l'herbe, ouais, vous voulez l'avoir dans le cadre. Mais si ben, c'est ça, si on a laissé tous les points d'autofocus activés au lieu, mettons, juste du point central, là, c'est foutu. Oui, ben, c'est pour ça que le mode, ouais, manuel devient rapide à, ouais, ce moment-là. C'est pour ça que je l'utilise énormément aussi. Mm-hmm. Donc, bon, il y a cette situation-là. Il y a une situation aussi d'avant-plan. C'est un petit peu comme les herbes qu'on parle, mais ça peut être une photo qui est un peu plus placée, là, tu sais. Par exemple, je décide de placer un cadre, littéralement une photo, un cadre avec une photo dedans, puis mon sujet est en arrière du cadre, mais je me sers du cadre comme avant-plan flou, là. C'est la même chose, là. En mode automatique, il y a moyen de le faire avec du recadrage, mais ça va toujours être un petit peu plus compliqué d'arriver à notre résultat rapidement. Et puis, la dernière lumière, la dernière condition, Christian, tu l'as nommé, c'est la faible lumière. Pour l'instant, les appareils, la façon qu'ils évaluent la distance, ben ça se fait pas dans le noir encore. Il y a des systèmes d'assistance. Ça se fait, mais avec certaines affaires, ouais. Oui, c'est ça, des lumières d'assistance, mais il y a des situations qu'on discutait, moi et Stéphane, justement, il n'y a pas longtemps. Tu es dans un environnement très sombre, puis tu veux pas attirer l'attention. Tu veux pas que ta fameuse lumière rouge ou blanche s'allume et aveugle tout le monde parce que c'est dans l'obscurité. Exactement. Tu vas immédiatement attirer l'attention. C'est presque un flash. Ah, là, oui, c'est ça. Fait que tu veux pas utiliser ça, donc tu veux rester discret. Tu y vas avec le focus manuel. C'est moins pire avec les flashs Cobra. L'espèce de lumière rouge, l'espèce de laser est un petit peu moins agressante que la lumière blanche qui va te faire des fois. Ouais, là, on parle d'un flash externe. Ouais, ouais. Là, moi, je parle de situation. Non, mais je veux juste dire. Oui, que ça existe. Ouais. Bon, mais, ça moi, la seule chose, par exemple, que je mettrais, c'est surtout quand tu disais tantôt que tu utilisais ton live view, mais il faut que tu restes donc très immobile, parce que ben, ça dépend, remarque, de ton focus, mais idéalement, t'es mieux d'être sur un trépied ou quelque chose comme absolument. Ça. Absolument. Oui, parce d'être... que si tu zoomes, ça vibre beaucoup plus. Là. C'est ça. Ça ou ben non, juste de bouger un petit peu, puis si t'avais un objectif, mettons, comme à 1.8 ou quelque chose de même, ben là, ton focus n'est plus le même. Là, non, absolument. Si t'as bougé, là. Il y a des situations qu'il faut vraiment se stabiliser, là, on s'entend. Là, oui. Parce que même en utilisant, moi, le DMF, quand je passe en... Je tourne la roulette de mise au point. Là, tu zoomes. Là, tu ne sais plus si ta photo est vraiment cadrée comme tu voulais parce que tu as bougé un tout petit peu. Mm. Moi, je dois attendre quelques secondes puis ça revient en mode normal. Mais tu sais, tu perds 2, 3 secondes selon ou 5 secondes selon le délai que tu as programmé dans l'appareil. Tu peux manquer ta photo mais carrément. Ça, c'est particulier à ton modèle. Oui. Là. Ben, pour le modèle, aux hybrides. Oui, bon. Ouais. pour le réflexe, ben, tu fais juste désengager la fonction absolument. De la loupe, that's it. Dernière situation. En fait, quelque chose qui pourrait être super intéressant à utiliser quand on est en mode focus manuel, puis moi-même, c'est quelque chose que j'ai pas encore utilisé comme technique, mais je trouve ça intéressant. Si tu veux te simplifier la vie, une journée que tu t'en vas faire de la photo de rue, par exemple, ben tu vas barrer ton focus. Façon de parler, tu vas décider d'une valeur de focus puis de ton ouverture à des valeurs fixes. OK? Par exemple, tu vas mettre ton focus à 3 mètres puis ton ouverture à 11, à F11, disons. Mm-hmm. Ben, ce que ça va donner, c'est que tout va être au focus en à peu près 2 mètres puis 7 mètres. OK. Fait que tu vas être certain là, que tout ce que tu vas prendre en 2 et 7 mètres toute la journée, à cette ouverture-là, toujours être beau. Tu n'auras jamais à penser à ces données-là sur ta caméra. Tu vas pouvoir faire de la photo ultra rapide. Là, c'est vrai. Fait que, mais ce n'est pas tous les objectifs qui indiquent la distance focale, la distance de mise au point, pardon, qui vont indiquer. Comme là, tu vois, sur les vieux objectifs que j'ai de Minolta, ça indique la distance. Mais sur, disons, mes nouveaux, le Sony ou quoi que ce soit, j'ai aucun indicateur de distance de mise au point. Avec le fameux symbole infini et compagnie, c'est pas tous les objectifs qui ont ça. Ouais. Mais si votre objectif là, tant mieux, c'est un bonus. Mais si tu y vas manuellement à ce moment-là sur ton objectif, tu le places là. Oui, mais comment tu peux évaluer que c'est à 3 mètres? Faut que toi tu mesures que tu es à 3 mètres puis là tu y touches. Oui, c'est sûr. Ben là, je pense qu'une fois que tu auras fait 2, 3, 4, tu vas savoir ta position. Vraiment, là, notre corps est incroyable. Il s'ajuste là, tu peux vraiment évaluer une distance là. Assez rapidement. Sinon, ben, tu joues dans la période la période safe, là, qui est de 2 à 7 mètres. Ouais, bon, mais tu y vas à 3 mètres. À l'œil, on peut deviner c'est quoi 2 mètres puis 3 mètres. Ouais. Fait que tu vas dans cette zone-là, puis t'es pas mal correct. Parfait. Bon, ben, merci bien. De mon côté, je vous présente 5 raisons pour lesquelles vous ne vous améliorez pas en photo. Et oui, c'est dommage, mais. J'ai hâte d'entendre. T'es bien défaitiste. Non, mais il y a des raisons pour lesquelles on a l'impression qu'on ne progresse pas en photo ou qu'on n'est pas motivé à faire de la photo parce qu'on a, c'est ça, on a l'impression de stagner, de faire du surplace. Et souvent, la raison numéro 1, c'est parce qu'on se compare aux autres. Je vois pas ce que tu veux dire. On va, par exemple, sur 500px, puis on voit les magnifiques photos. C'est vrai, c'est intimidant. C'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai. Regarde, j'ai rajouté plein de cercles de photographes sur Google+. Ben puis c'est une des raisons pourquoi je vois plus. Ça me déprime. Puis là, tu te dis, il a pris des photos de train incroyables. Il a pris un paysage majestueux, spectaculaire. Ben, c'est parce que le fait aussi que tu te dis, ce gars-là, il arrive à en vivre. Oui. Fait que lui... Aujourd'hui, là, il est parti faire de la photo. Là. Oui. Fait que c'est comme... sa journée. Ouais, moi, je suis dans un bureau. J'ai eu un avant-goût avec la F1. J'aurais aimé ça que ça soit mon boulot quotidien. Je m'en doute. Enfin. Mais non, au contraire, allez voir ces photos-là et laissez-vous inspirer par ce que vous voyez. Le but, c'est pas nécessairement de les copier, mais c'est de voir comment ils ont cadré telle chose, tu sais, quel éclairage il y avait sur la scène. C'est vraiment de dire, wow, quelqu'un a réussi à faire ça. Oui, il y a de la retouche après, il y a des ajustements dans Lightroom, il y a peut-être du Photoshop, on ne sait pas, mais à la base, on le sait. C'est cadré d'une façon. Tu sais, il y a un paysage quelconque. Ouais. Est-ce qu'il y a des arbres ou est-ce qu'ils sont positionnés dans son cadrage? Ah, OK, ben ça donne une idée. Puis on peut essayer de reproduire ou... de faire différent, mais en gardant en tête un peu la composition. La deuxième raison, c'est que vous ne faites pas d'efforts. Allez! Bande de fainéants! Comme dirait Lucien Bouchard. Ouais, c'est ça. Ancien premier ministre du Québec. Travailler comme serait mort. Non, mais c'est vrai, pour faire de la belle photo, il faut se rendre à des beaux endroits, il faut se déplacer, il faut... prendre le temps de préparer du matériel, d'avoir son équipement avec soi, d'avoir des filtres, d'avoir son trépied. D'avoir du temps, de prendre le temps. Mais il faut aussi que ça soit dans la vie de tous les jours. Puis moi, j'ai commencé à le faire il y a quelques années, d'avoir toujours un appareil photo sous la main. Mm-hmm. Il est soit dans la salle à manger, il est soit à côté de mon bureau. Il arrive quelque chose, mes enfants m'appellent, « Papa, viens voir! » Je prends l'appareil photo, je ne sais pas ce qui se passe. Je prends l'appareil photo, j'arrive, puis... Je suis prêt à prendre une photo. C'était pour ça que je m'étais acheté le sac à dos que j'ai. Parce que moi, j'ai toujours eu un sac à dos pour aller travailler. Parce que je me suis amené des choses, mon lunch, mes affaires. Mais celui-là, il est fait pour traîner une caméra. Voilà. Puis pendant longtemps, je l'ai traîné. Je l'utilisais souvent. Puis là, j'avais arrêté. Puis j'avoue que j'ai recommencé. Souvent, l'été, je recommence. Ben, c'est ça. L'hiver, c'est un petit peu moins intéressant. Surtout avec l'hiver qu'on vient d'avoir. Oui, qui ne finissait plus de finir. Ouais, c'est vaguement froid. Tu mentionnes ça, Stéphane. Puis cette semaine, je suis en voiture. Je me dirige vers le pont Jacques-Cartier, c'est le soir, puis la lune est énorme. Okay? Ah oui. Elle est vraiment juste au-dessus de l'horizon, elle est énorme. Il y a un petit voile de nuages, puis je sais pas, il me semble qu'il est éclairé d'habitude, le pont Jacques-Cartier au centre, mais là, il est dans le noir complet. Ah oui. Fait que j'ai le pont Jacques-Cartier en caméo, là, tu sais, complètement noir devant la lune. Je vois ça avec mes yeux, je capote. Je fais comme, OK, j'ai pas d'appareil, je peux pas prendre ça, c'est sûrement pas avec mon téléphone que je vais prendre ça, ça marchera pas. J'avais une photo là, hallucinante. Ça m'est arrivé tellement souvent. Ben, c'est ça. Fait que là, moi aussi, ça m'arrive encore parce que, oui, j'ai un appareil sous la main ici à la maison, au bureau, mais je ne vais pas toujours l'avoir quand je sors non plus, là, si je vais me promener en auto. Mais enfin, c'est une autre raison, mais gardez-la à l'esprit. Ayez votre appareil photo prêt à être utilisé. Troisième raison, vous avez peur de l'échec. Et oui, vous échouerez probablement aussi plusieurs probablement. Fois. Probablement. Non, mais c'est vrai. Au début, on essaie, puis les photos sont pas à notre goût. Puis c'est correct, parce qu'il faut s'améliorer. Il faut essayer d'aller plus loin. Si vous vous contentez des premières photos, puis ça fait votre bonheur, tant mieux, mais vous vous améliorerez jamais. Non, c'est donc, sûr. Un jour, à force d'essayer, vous allez en faire un bon cliché dont vous allez être fier. Puis moi, ben, j'étais avec François cette journée-là. C'est la fameuse Mustang. Ah oui. Ça, c'est ma première photo avec laquelle je suis tombé en amour. Oui. Non, en fait, c'est la deuxième, mais c'est vraiment celle... Celle qui t'est restée en tête. Qui m'est restée en tête le plus longtemps. Mais il y en a une que j'avais prise tout simplement d'une plante de feuillage à Cuba. Puis le vert ressortait tellement, là, puis j'avais cadré, serré, tout ça. Puis, mais je comprenais pas ce que j'avais fait, mais j'aimais ma photo. Mais là, avec la Mustang, je comprenais plus comment j'avais fait la photo. Puis, ah non, tout fonctionne là-dessus, le cadrage, les couleurs. C'est ça, l'orange de la carrosserie ressort. C'est vraiment, en tout cas, j'aime cette photo-là. Elle n'est pas parfaite, il y a des gens assis à l'arrière, puis je l'ai floutée un peu pour, de façon artificielle pour pas qu'on voit trop les gens, mais c'est une photo que j'avais vraiment aimée. Mais puis un jour, j'en ai fait une autre, puis une autre que j'aimais. Puis là, on prend confiance, veux pas, puis... C'est comme ça qu'on s'améliore, tu sais. On va même aller jusqu'à développer son propre style, tu sais. Mais pour ça, il faut en faire beaucoup de photos. Il faut en faire... Oui. Puis pas seulement dans des grands événements, des sorties. Il faut en faire dans les petits moments quotidiens. Moi, ça donne que je fais beaucoup de photos de produits aussi, mais veux pas, je veux pas toujours faire le même angle, la même photo de chaque produit. Donc, j'essaie des choses. Je change mes angles, change... Oui, ça, on l'a mentionné souvent là, dans le passé, dans notre podcast. Tu sais, faut mettre son appareil à sa main. Ouais. Puis ça, il n'y a pas d'autre secret que faire les photos. Ça fait que plus vous faites de la photo, plus vous connaissez votre appareil et plus ça devient facile. Après, l'aspect technique, là, vous développez plus l'aspect créatif après. Donc, voilà. Quatrième raison, vous avez peur des commentaires sur vos images parce qu'éventuellement, vous allez en partager, vous allez peut-être même aller dans des groupes de photographes amateurs et tout ça, demander des commentaires, mais craindre aussi qu'est-ce qui va arriver parce qu'il y en a qui peuvent carrément la démolir, votre photo, puis vous la trouvez belle, vous l'aimez, mais quelqu'un va complètement la démolir. Ouais. Mais dans chaque critique, qu'elle soit constructive ou non, prenez des éléments puis dites-vous peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'ai vraiment manqué cette photo-là. Pour moi, c'est un grand pas en avant, mais j'ai encore beaucoup de... J'ai des croûtes à manger là. J'ai vraiment du chemin à faire. Et je vais prendre les éléments qu'ils me suggèrent, puis je vais les essayer au moins pour voir si ça fait une différence. Puis donc... je pense, en tout cas, je peux me tromper, mais dans tous les groupes que je partage, que j'ai vus, j'avoue que moi, j'en pose pas beaucoup de photos, mais je regarde qu'est-ce qui passe, puis tout ça. Puis le monde, oui, vont critiquer, mais démolir, j'ai jamais vu ça. Non, c'est très rare. Ou c'est quelqu'un qui va mal prendre le commentaire et qui va avoir l'impression que la photo s'est fait démolir. Mais souvent, les gens sont très polis. Exact. Surtout dans des groupes comme ça, là, vraiment, c'est qui des sont groupes intitulés d'entraide. Photographes amateurs, des trucs comme ça. Les gens s'entraident justement, puis même si on demande ses critiques ou commentaires, les gens vont approcher puis vont dire « ben moi, j'aurais peut-être recentré ou décentré tel truc, j'aurais l'horizon me paraît un peu croche. » Puis ça se peut. On n'a pas un niveau dans l'œil nécessairement, ni dans son appareil photo. Il y en a qui commencent à en avoir, des modèles là, avec un niveau électronique, un niveau numérique. Ouais, c'est commun. C'est, oui, très utile, mais c'est pas tous les appareils qui ont ça, puis on n'a pas tous un trépied toujours sous la main. Donc, ça se peut que l'horizon soit croche, ben ça se corrige. Ben dans oui. Photoshop, dans Lightroom, dans GIMP, dans n'importe quoi, ouais. Ça se corrige un horizon croche, puis à la longue, avec l'œil, ou un jour vous allez changer d'appareil, puis il va y avoir un niveau intégré, ben ça va, vous allez vous améliorer aussi. Et le cinquième et dernier point, vous vous concentrez trop sur l'aspect technique. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais au début, ben, c'est plus difficile d'apprendre à être créatif que d'apprendre la technique, les paramètres sur votre appareil ou d'apprendre à, justement la règle des tiers, ces trucs-là. Ben, la règle des tiers, c'est mi-artistique, mi-technique, disons. Là. Mais c'est facile de savoir qu'à telle ouverture, vous allez avoir un arrière-plan flou, disons à f1.8, à f2.8, puis qu'à f11, ben, tout le décor est net, ou presque. Mais de savoir comment le cadrer ou quoi cadrer dans votre la composition. Ouais. L'angle aussi. J'ai une photo que j'ai prise récemment, puis je demandais à François de la critiquer un peu, de la commenter. Puis il m'a dit, t'es pas tout à fait droit, mais t'es pas tout à fait croche non plus. Et c'est comme un entre-deux, ben, c'est parfait. La prochaine fois, ben, je vais y aller plus. J'osais pas nécessairement aller trop croche, trop en angle. Puis je me dis, ben pourquoi pas, la prochaine fois, je vais y aller. Puis je vais essayer des angles un peu plus prononcés, un peu plus... Mais c'est ça. Dépendamment de tes lignes de fuite, tu sais, des fois, la ligne qui dirige un peu le cadre, ben, on peut justement y aller un peu croche. Puis, absolument. Ouais. Il y a des fois c'est tellement personnel. Ah, aussi, oh, aussi ouais, ben oui. Tout à fait. Mais, comme je disais, tout commentaire a quand même une base, un fond de vérité, puis ça mérite d'être essayé aussi, ne serait-ce que pour avoir fait l'expérience, puis voir le résultat. Ouais. Puis si le résultat ne vous plaît pas, ben c'est votre choix, puis vous avez entièrement le droit de ne pas le faire la prochaine fois. Mais le conseil, c'est faites de la photo, exercez-vous, puis à un moment donné, vous allez connaître votre appareil, vous allez connaître les paramètres, et comme François parlait aussi, même la mise au point manuelle, ça va venir d'une façon naturelle. Puis après, vous pourrez vous concentrer sur l'aspect créatif, mettre vraiment l'accent là-dessus, parce que l'aspect technique va vraiment être une arrière, comment je pourrais dire, une seconde nature. Un automatisme. Un automatisme. Ouais, ouais. Voilà. Alors, c'est cela. Mais merci. Bon conseil. C'est très bon. On va passer maintenant aux suggestions. Les suggestions de la semaine, Christian, toi, tu nous suggères quoi cette semaine? J'ai vu quelque chose qui est assez incroyable. Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu dans le passé, comment que les imprimantes 3D pourraient peut-être avoir des intérêts pour la photographie, pour les affaires, tout ça. J'ai vu quelque chose d'assez incroyable. C'est un adapteur à un tilt shift à décentrement... À bascule, macro. Que l'on peut faire imprimer avec une imprimante 3D. Oh, j'en veux un. Moi aussi. Malheureusement, pour le moment, c'est Nikon seulement. Mais connaissez-vous quelqu'un qui a une imprimante 3D? Oui, j'en ai un. J'en ai deux qui en ont. J'aurais facilement pu m'en faire imprimer un si j'en avais. OK. Je l'attends un petit peu. Peut-être quelqu'un va réussir à le faire pour Canon. Si c'est le cas, c'est sûr et certain, je vais le voir. Je vais dire, comment tu me charges, je vais te le faire, je te le paye. C'est sûr et certain, je veux l'essayer. Ça a l'air assez... Ça se démocratise, les imprimantes 3D. Hein? Il y en a à moins de 1 000 $ maintenant. Là. Ben, ça fait au moins 5 ans. Là. C'est pas plus que... Je connais, c'est ça. Il avait payé comme 1 500, 2 000. Puis là, ça avait descendu. Puis là, il vient de s'en acheter une gigantesque. Là, ça, il a payé 4 ou 5 000, quelque chose dans ce style-là. Là, lui, il est allé... Là, c'est lui, là, il a parti, là, puis c'est comme presque, là, ça n'a aucun sens, là, il imprime quasiment tout le temps avec, quasiment tout le temps, puis l'autre, là, j'en connais un autre, lui aussi, il vient de s'en acheter une plus petite, là, moins chère, mais c'est incroyable tout ce que tu peux faire avec ça. Fait que bref, intéressant. Ben oui, super. Ben oui. Canon, s'il vous plaît, Canon. François, toi, de ton côté? Je suis tombé sur une application... mobile pour iPhone et Android qui s'appelle PlantNet Mobile. Ce que c'est une application qui fait la reconnaissance de plantes. Il y a certainement dans nos auditeurs, parce que c'est pas de la botanique là, qu'on fait, c'est de la photographie. C'est de la photographie, je sais, mais je trouve que avoir un appareil, un téléphone intelligent doté d'un appareil photo qui reconnaît des plantes grâce à l'appareil photo, je trouve que c'est génial parce que je retiens jamais les noms des plantes. Je pense que je vais l'installer. Ben, je pense que ma blonde le voudrait ça. Il y a une petite affaire avec ça qui est plate. J'allais le dire en fin de chronique, mais pour l'instant, ça se limite à la France seulement. Parce que ce qui est répertorié comme plante, c'est sur le territoire français. D'accord. 4100 espèces qui sont reconnues sur le territoire français. Quand on peut pas croire qu'on n'en a pas quelques-unes qui sont en là. Il doit en avoir 15 ou 20 qui poussent aussi au Québec. Oui, sûrement. Sûrement. Fait que l'application est gratuite puis elle permet d'identifier des espèces de plantes directement d'une photo, un peu comme je disais, avec la technologie de reconnaissance visuelle. À chaque jour, par exemple, la base de données évolue puis les utilisateurs aident à faire grandir cette base de données-là, évidemment. Il paraît que l'application fonctionne assez bien, mais c'est pas parfait encore. J'imagine que technologiquement, puis aussi la photo qu'on a prise, il faut qu'elle soit quand même assez bien prise, là, tu sais. Pour reconnaître des petits détails, des fois, qui font la différence entre deux espèces de plantes. Il faut dire aussi que les plantes ornementales ne sont pas répertoriées. Fait que si vous avez une plante que vous aimez beaucoup chez vous, ben ça se peut qu'elle ne soit pas répertoriée, celle-là. Mais profitez-en pour la soumettre au créateur de l'application. Oui, mais c'était pas voilà. Clair dans ce que j'ai vu, si non. C'était pas supporté carrément. Ils sont pas répertoriés, donc peut-être qu'ils décident de ne pas les garder dans la base de données pour une raison que j'ignore absolument. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une application vraiment intéressante à suivre. C'est un peu du même acabit que quand j'ai vu WordLens, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, oui. Mais, qui détecte les lettres et qui peut carrément traduire directement un texte d'une langue à l'autre. Fait que ça m'a intéressé comme ça. En tout cas, je me suis mis à la place des personnes qui aiment vraiment les plantes et qui veulent se renseigner là-dessus. Je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment génial comme application. Super, ben merci. De mon côté, comme suggestion, moi, j'ai trouvé ce qu'on appelle en anglais une cheat sheet. Donc, une feuille pour tricher. Non, en fait, c'est une image qu'ils ont fait qui indique les vitesses d'obturation et à quoi ça correspond généralement. Donc, c'est sur le site digitalphotographyschool.com et ça part de 1/4 millième de seconde et ça va jusqu'à 1 seconde ou plus lent. Donc, à 1/4 millième de seconde, ça dit que ça fige un mouvement extrêmement rapide, donc peut-être les battements d'ailes d'un oiseau. À 1 millième de seconde, vous pouvez figer sur place des motocyclettes, des automobiles ou d'autres véhicules rapides. On descend comme ça, disons, à 1/125e. Là, vous pouvez faire du filet, donc du panning en anglais, de moto, d'auto ou d'autres véhicules. Panning, c'est d'avoir le véhicule au foyer. Puis oui, c'est de le suivre en mouvement. C'est ça, on suit en mouvement, puis on prend la photo, puis on poursuit son mouvement. On pourra en parler plus en détail, peut-être, dans une autre chronique. Et c'est pas facile. On en a déjà parlé. Non, c'est pas facile. J'ai essayé avec la F1. Oh mon Dieu! J'avais pas pris le bon sujet pour commencer. Non, pas vraiment. Donc, voilà, c'est ça. C'est que vous suivez le mouvement. Essayez avec un vélo au départ. Quelqu'un qui pédale quand même un peu, là, mais vous faites un filet, qu'on appelle, je pense, en français. Vous suivez le sujet. Vous appuyez sur le déclencheur, mais vous poursuivez votre mouvement pour pas que ça coupe, évidemment, pour pas l'arrêter pendant que vous prenez la photo. Et là, le sujet devrait être fixe et net. Et l'arrière-plan, tout le paysage, en fait, qui était immobile au moment où il est passé, devient flou, donne une impression de mouvement. Donc, ça peut finalement, être assez intéressant. C'est comme le filmer. Oui, c'est exactement ça. Ça donne l'impression du film, mais sur une seule image. C'est la même technique que si on a une caméra vidéo, on suit l'objet qui se déplace. C'est vrai. La seule différence, c'est qu'il faut appuyer sur le déclencheur. C'est ça, au même moment. Ouais, au bon moment. Et voilà, donc... je sais pas, ça peut aller jusqu'à ce qui parle 1 seconde ou plus lent, ben c'est pour donner un effet laiteux à l'eau, là, justement, un effet de coton ou un truc du genre, comme François a déjà parlé dans une chronique précédente. Oui, je trouve ça intéressant comme, parce que c'est vraiment une petite charte, super petite, rapide, puis ouais. On peut vraiment évaluer, OK, moi je fais tel type de photo aujourd'hui, mm-hmm. puis je ne saurais pas à quelle vitesse m'ajouter rapidement. Bon, quand on regarde ouais. ça, c'est ah, wow, OK, c'est minimum 1/2 millième pour avoir un battement d'aile au foyer, tu sais, d'un oiseau. Fait que, ouais, très cool. Donc, oui, ben je vais probablement en refaire une version francophone là, sur, dans les notes d'épisode. Peut-être pas une belle charte comme ça, toute graphique. Là. J'ai pas de talent en graphisme, mais je vais faire un petit tableau là, dans les notes qui sera plus relativement facile à imprimer ou à copier dans vos propres notes. Alors voilà, on va conclure l'épisode là-dessus. Merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. Merci. Et merci, chers auditeurs. Vous pouvez vous joindre à nous dans la communauté Google Plus, photographe amateur au pluriel. Et on a quoi? On approche les 1600 abonnés. Ça monte. À chaque épisode, on a au moins une centaine de nouveaux membres dans la communauté. C'est super intéressant. On attend toujours la venue de François, mais le verra-t-on un jour? Ça se peut, ça se peut. Je travaille là-dessus. Ne jamais dire jamais. Et vous pouvez nous envoyer vos commentaires, questions et suggestions à podcast@objectifnumérique.com. Et la semaine prochaine, on va aborder tout plein de sujets intéressants, dont des trucs pour faire de la meilleure photo avec votre smartphone. Et on teste le Canon PowerShot SX600HS. Donc, d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.